cours numéro 4. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال العلامة الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه الآية السادسة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتقدم معنا اتخاذ الأولياء لفت عيادا بالله دولي زمي دولي سكورير de croire que leur dîner les haqs de combattre les muslimin فهذا التولي c'est du كفر بالله عز وجل ça fait sortir de l'islam. نعم قال يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم وقوله أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إلى إكسبيكي سيكوا هنا قوله لا تتخذوا الكافرين أولياء لفت دو لزيمي عياذا بالله لفت دو لزيدي كونتر المسلمين pour leur دين et se rapprocher d'eux pour leur dîme. Et ça va impliquer de la haine envers l'islam ou le muslimin. Voilà, chacun, c'est grave. Si cet homme ou cette femme, ils font apparaître l'islam, voilà, chacun, c'est du nifaq, c'est de l'hypocrisie. Wa illa fa al-mu'min, il aime le mu'minin. Al-mu'min, il déteste le kuffar, comme ça y a-t-il ma'ana. Inch'Allah. Al-mu'min, même s'il a des faiblesses, il ne peut pas aimer le kuffar et détester l'islam. Abad. Léna, la base de hada l'islam, c'est le mahabba. الإسلام سيفوندي سور المحبة والخوف والرجاء فالمؤمن إلام c'est pour ça que من شروط لا إله إلا الله العلماء يذكرون المحبة أما واحد كي أم الكفر والكافرين إلا الزاد كنت خل المسلمين ويطعن في المسلمين فهذا لا شك أنه إلي على خطر عظيم سيدي كفر سلامك خياص ثم قال عز وجل وقوله أي هذا قول المؤلف تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أي حجة عليكم في عقوبته إياكم وبعض الناس عيادا بالله au lieu de tout faire les causes pour que Allah سبحانه وتعالى il pardonne il fasse miséricorde وبعض الناس صحيح يجعلون لله على أنفسهم سلطانا مبينا أي des preuves claires contre eux pour que Allah سبحانه وتعالى il les châtie. Et بعضهم عيادا بالله ils sont conseillés. Et بعض الناس ils patientent avec eux, ils leur montrent, لكن لا يريدون إلا الشر. فلهذا قال عز وجل أتريدون أي est-ce que vous voulez أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أي qu'une preuve claire عند الله soit contre vous يوم القيامة أي avec cet agissement le fait d'aimer les kuffars le fait de les prendre comme les alliés comme des alliés contre les musulmans le fait de leur divulguer certaines choses de musulmans pour leur dîn, ayyadan billah, pour que leur dîn y prenne le dessus. Wa'adhuhum, ayyadan billah, yafrah. Et ça, c'est min alamat al-nifaq wal-kufr. Yafrah, quand les kuffars, ils ont le dessus. Et yaghdab, quand c'est le musulmans qui ont le dessus. Toutes ces alamat, là, chaque c'est des alamat de kafirin. Wa illa fa al-mu'min, quand son frère ou un pays musulman, il est touché par un mal, ça le touche. نعم المؤمنون كالبنيان يشد بعضه وبعضا إنما المؤمنون نعم المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا أي المؤمنون les croyants c'est comme une construction si arrive une chose à ton frère ça te touche et si الكفار ils sont touchés par une chose فنفرح et quand l'islam la religion de l'islam elle prend le dessus ça nous on est content mais là chaque quand nos frères ils sont touchés par un mal لا شك سان توش بعضهم سلعك سا سامونتخ عيادا بالله الكفر دون لو كور. وقال ابو جعفر بن جرير اي الامام الطبري رحمه الله. Vous avez remarqué que الامام العلامه الشيخ حمود رحمه الله عليه يستفيد من علماء التفسير des références. Et ça c'est مفيد pour toi. Quand tu lis un livre de savants, de grands savants comme الشيخ حمود رحمه الله عليه, فتأمل quand il cite un verset, comment il fait pour l'expliquer. وأنتس, quand tu veux comprendre un verset, tu suis cette méthodologie. Parmi les références, Tafsir ibn Kathir. Tu veux comprendre un verset, Tafsir ibn Kathir. il est, fil haqiqa, al-ulama, il le compte comme un mukhtasar, qui n'est pas trop, trop détaillé par rapport à d'autres tafasir. Et l'imam Nukathir, c'est un imam fi al-aqida, c'est un imam fi sunnah. Il est à l'aqida de salaf, façon tafsir, il n'y a que du khayr, tastavit, des kalimat, et il est simple, fil haqiqa. Kadhalik, parmi les maradi'a, tafsir ibn Jarir. Al-imam al-Tabari, il est connu bi tafsir al-Tabari. Et l'imam Jalil, il était avant l'imam Kathir. Ben, le tafsir ibn Kathir, c'est un résumé. Ma'adhum, il le considère comme un résumé du tafsir d'Ibn Jalil, et le tafsir d'Ibn Kathir. Il a rajouté, il a enlevé des choses, il a akhri, lakin, c'était la base, le tafsir d'Ibn Jalil. Fahakada, si tu veux comprendre le Coran al-Karim. Et bien sûr, d'autres références qu'il a citées. Qala rahimahullah, la ta'arradu li ghadabillah, bi ijabikum, al-hujjata ala anfusikum. في تقدمكم على ما نهاكم ربكم من موالاة أعدائه وأهل الكفر به ما نعم فاستفدنا أن من أسباب العذاب يوم القيامة c'est le fait de s'allier aux kuffars, le fait de les aimer, le fait de penser que leur dîn il est à la haq, le fait de عياذا بالله de critiquer l'islam ou les musulmans, tout ça c'est من أسباب العذاب يوم القيامة. ثم قال الآية السابعة قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء وهذا زجر بليغ هو تهديد شديد عن موالاة أعداء الله تعالى. صحيح الشيخ حمود رحمة الله عليه قال هذا زجر بليغ وتهديد شديد. صحيح dans ce verset il y a une menace, il y a un châtiment pour celui qui prend Al-Kafirin comme awliya min douni al-mu'minin. La yattakhidh al-mu'minun al-kafirin awliya min douni al-mu'minin. Thumma qala azza wa jalla wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'. Et celui qui fait cette chose falaysa min Allah fi shay'. Qala rahimahullah, il va citer une explication. Qala وتهديد شديد عن موالاة أعداء الله تعالى ومودتهم نعم ونغيبت حتى نضبط الكلمات. قال وهذا زجر بليغ وتهديد شديد عن موالاة أعداء الله تعالى ومودتهم فينبغي للمسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يكون من الذين يحسبون أنهم على الشيء وهو من الخاسرين الذين ليسوا من الله في الشيء. قوله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء اي s'il pense انه il a réussi à acquérir telle chose, انه il a atteint tel niveau, il a réussi, il prend comme allié al-kufa, il est على الشيء ليس على الشيء. او قوله ذلك فليس من الله في شيء, on répète la parole de Cheikh Hamoud. قال فينبغي المسلم يحذر شد الحذر ان يكون من الذين يحسبون انهم على الشيء. L'insan, il pense en nous, il est sur quelque chose, notamment à la chaye, à l'imin haïth, à l'iman, à l'ilm, à l'amal. Qal, wa huwa min al-khasirin, al-ladhin, laissu min Allah, il y a eu chaye. Alors que, fil haqiqa, yawm al-qiyama, à cause de hadha al-kufr, c'est un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Celui qui prend les kuffars comme alliés pour leur dîn, et il aime leur dîn et l'akhir, comme on a détaillé auparavant, fa hadha, ayyadan billah, yawm al-qiyama, il sera min al-khasirin. Il aura tout perdu. Il aura tout perdu, il y a un al-kufr, ça annule les œuvres. قال عياذا بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. قال المناوي في شرح الجامع الصغير الإقبال على عدو الله وموالاته توجب إعراضه عن الله ومن أعرض عنه وتولاه الشيطان ونعم ومن أعرض عنه تولاه الشيطان ونقله إلى الكفر. المناوي إلى expliquer الجامع الصغير. Et ce livre, Kadalik, c'est une référence tayyib dans l'explication des hadiths du prophète, alayhi sallam. Et le livre, il s'appelle Fayd al-Qadir, Sharh al-Jami' al-Saghir de l'imam al-Munawi, rahmatullah alayhi. Et il explique avec un kalam très simple, bi-khtisar. Al-Jami' al-Saghir, c'est un ensemble de hadiths. Qala, Cheikh al-Albani, l'ahakak, sahih al-Jami' al-Jami' al-Saghir. الإقبال على عدو الله وموالاته توجب إعراضه عن الله ومن أعرض عنه تولاه الشيطان ونقله إلى الكفر. فالإقبال على عدو الله وموالاته, est le fait d'aimer les kuffars, de vouloir se rapprocher des kuffars et les prendre pour alliés en dehors des mu'minins. Qala wa i'raduhu 'anillah. لماذا لان الله سبحانه وتعالى امر باتخاذ المؤمنين اولياء دونك هذا في الحقيقه يسدتون يدلس لغضب الله سبحانه وتعالى اي كونتردي قال ومن اعرض عنه تولاه الشيطان اي celui qui se détourne du Coran de la Sunna il se détourne du din fa qui sait qui va récupérer هذا الانسان c'est الشيطان لماذا لانه il se détourne il veut plus du Coran il veut plus de la Sunna il veut plus de l'islam. Enfin, ça devient une proie du shaitan. Enfin, shaitan est son allié, ça devient shaitan. Les madaliens, ils refusent. Ils refusent le dîner, ils refusent de prendre comme allié Allah subhanahu wa ta'ala, son messager et les croyants. Enfin, son allié, ça devient shaitan. Shaitan, qu'est-ce qu'il va faire? Yanquluhu ila al-kufr. C'est pour ça que wa'ad ha'oula, et on le voit, khasatan, à notre époque, Al-Nahum, il commence par une critique de certaines sunan. Thumma, une critique de certains groupes, surtout ceux qui s'attachent au haq, le sunna. Thumma petit à petit, yutnoun ala al-kuffar. Andor. Ils cherchent la moindre chose pour critiquer l'islam ou le muslimin, et al-kuffar, malgré toutes leurs injustices, ils parlent bien d'eux, il faut les respecter, la tolérance, et petit à petit, hatta yaqa dans un aqid min nawaqid al-islam en général. عياذا بالله ثم ربما الشيطان لما يتولى ان جور يرتد بكل صراحه وكم هؤلاء خاصه ceux qui vivent عند الكفار وبعضهم اعلنوا الكفر اي montre ان en fait on n'est pas convaincu il y a des contradictions et وبعضهم عياذا بالله حتى الايمان بوجود الرب c'est une fitra حتى في الكفار بعض الكفار يؤمنون بوجود الرب من المشركين واهل الكتاب الى اخره فتتخوف ان هؤلاء حتى بهذا ils ont des doutes. لماذا؟ لأن الشيطان تولاهم. لماذا؟ لأنهم يزعمون نعمة عظيمة الإسلام. Et au lieu de préserver cette نعمة et patienter avec ses frères musulmans et détester le kuffar, patiente avec ton frère même s'il a des défauts. وعلم أن الكفار إلى على باطل même si te fait apparaître أنه il est juste, il est droit, il est آخره et jusqu'à ce que tu meurs et tu auras inshallah le paradis. Ma perdre al-jannah. Perdre la demeure éternelle pour se rapprocher de Haoula qui nous déteste. Même si tu te rapproches d'eux, Wallahi, ils te détesteront. Khassatan, si tu n'es pas de la même origine qu'eux. Pardon, ils détestent par rapport aux origines. Même si tu essayes de faire comme lui. L'imad a sacrifié son din, délaissé son din. Yadam billah, délaissé l'au-delà pour un najis. Un mujrim, un mushrik qui finira fin nar. لكن التوفيق إلى بيد الله الإنسان لا يظن أن هذا سيكزيستو با لا الإنسان لا يظن كذلك أنه إلى ألابغي صافا تخي تخي فيت عيد بالله الفتن avec les épreuves avec beaucoup de choses فأون نبا ألابغي فلهذا دائما ندمض الله سبحانه وتعالى الثبات et parmi les causes pour ne pas être attiré par هؤلاء c'est de ne pas se mélanger avec eux. لماذا لان vous avez remarqué qu'en général في بلاد المسلمين ولله الحمد كثير من المسلمين يتتست الكفار et c'est des مسلمون avec l'ignorance avec certaines choses لكن الحمد لله c'est des مسلمون ceux qui sont plus exposés c'est ceux qui vivent avec الكفار لماذا لان ils se mélangent avec eux au travail ils se mélangent avec eux à l'école ils se mélangent avec eux بعضهم au sport ils se mélangent avec eux ربما بعضهم après ils se marient ثم ils ont des liens. Son fils il est marié avec une kafira, ça fait des liens d'alliance il a akhiré. Et à la fin, si tu lui dis, tu lui cites un verset très clair avec l'explication d'un imam, que lui-même, Rubama, il reconnaissait que c'est un imam, il ne peut plus accepter. Et là, ça va engendrer, ça va impliquer des choses. Mais salam, c'est que l'insan ne se mélange pas et qu'il s'écarte d'eux le plus possible. Hatta il éduque ses enfants à la hada. Même s'il y a des manquements, dans Bilad Muslimin, et là, chaque fois y a des manquements, même si tu n'auras pas le confort comme tu as fait Bilad al-Kufr, au moins ton din, il est préservé min hadhihi an-nahiya. Et c'est un des points le plus important, le point de al-wala wal-bara. Et même fi bilad al-muslimin, on n'est pas à l'abri aujourd'hui. Yanna a'da'u Allah azza wa jalla, haqiqa al-an, ils ont, qabla al-an, kadhalik, ça fait quelques années, ils colonisent bilad al-muslimin avec leurs afkar, avec internet, avec les séries, avec les films, avec le sport. Enfin, tu trouves, wala fi bilad al-muslimin, et il est attiré par eux. لماذا؟ لأن les parents ils font pas attention et le sport مثلا par le sport ils sont attirés. Si tu lui montres que tel joueur مثلا c'est un kafir, c'est un adou billah, t'as pas le droit de l'aimer. T'as pas le droit de porter son maillot. لماذا tu portes son maillot? C'est un kafir billah azza wa jalla. لأن si tu portes son maillot, c'est que t'aimes le maillot et t'aimes le maillot. Pourquoi? Parce que c'est le maillot du joueur. حقيقة il y a un lien avec cette mas'ala. Si tu le montres là, le maillot, tu dois l'enlever. Pourquoi tu le montres? Parce que c'est un ennemi d'Islam. Et là, après, le papa, il ne comprend pas. L'amour de ce joueur, elle est rentrée dans son cœur par l'intermédiaire du sport. Al-Hadar. Ça, c'est vu les musulmans. Ba'dhum, c'est les films. Ba'dhum, c'est les reportages. Ba'dhum, c'est les séries. Là, après, quand tu le montres, il te dit, mais là, pourquoi tu dis que c'est tous des coupables? Pourquoi tu dis qu'ils sont pas bien? Pourquoi tu dis. Il n'arrive plus. L'imam, il est attiré par eux, il est impressionné. À l'époque, il n'y avait pas ça. Il y a quelques années, il n'y avait pas ça. L'époque de nos parents, il y a quelques années, ou de nos grands-parents, encore plus, ils n'avaient aucun lien avec les koufars. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de sport, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'internet. Ils avaient une image des koufars, comme il y a fait le Coran, ce qu'ils entendent au messager. Les Yahoud, c'est des ashrar, les Nasara, c'est des ashrar. Les koufars, ils avaient fait une erreur énorme. Ils les ont colonisés. Enfin, les musulmans, ils les ont détestés encore plus. Al-An, ils font plus cette erreur. Vous avez remarqué, au contraire, ils attirent le musulman avec d'autres choses. Vous avez remarqué que l'An, que ces mêmes qui ont colonisé le musulman lui-même, l'An, il va aller chez eux. Al-Qira, c'est un amr ajib. À l'époque là, à l'époque, le musulman, il était chez lui, il déteste le kafir, il est venu de force. Les musulmans, ils ont essayé de les, ils ont réussi à les repousser, idnillah azza wa jalla. Maintenant, le kafir, il a même plus besoin de venir chez toi, c'est toi qui vas aller chez lui. Al-An, c'est là où ils ouvrent la frontière, fait qu'atil ibn al-Nas, il part. L'imad, hein. Comment ils ont fait ça? C'est un travail de longue haleine, ya ikhwan. Le cinéma, les reportages, les séries, le sport, et l'akhir, hatta ba'd an-nas, ils pensent que la vraie vie, elle est hunak. Ici, il n'y a que la perte de temps et la misère, et l'akhir. Ils ont oublié ces points essentiels. Qala, rahimahullah, wa qala al-Zamakhshari. Wa hadha ila un tafsir connu. C'est un mu'tazili, un munharif, un dhal. بعض العلماء ينقلون بعض كلماته لماذا لأنه son تفسير قوي من جهة اللغة بعض العلماء ينقلون certains passages de lui وإلا فالإنسان يحذر الزمخشري c'est un منحرف il a un تفسير très connu et الإنسان s'écarte ما جاء في تفسير أئمة السنة كفاية تفسير ابن كثير تفسير ابن جرير تفسير الإمام قرطبي تفسير الإمام شنقيطي تفسير السعدي تفسير البغوي tous ces tafsirs si on arrive alhamdoulillah à les lire à les étudier en profiter finalement on n'a pas besoin de ça et si un savant de la sunna il cite une parole comme cette parole qu'il a cité هنا elle est juste pour ça qu'il l'a cité alhamdoulillah tu l'as lié tastafid amma anta et tu penses que c'est un tafsir tayyib et tu l'as acheté l'akhiri fahdhar الرجل c'est un mu'tazili quh ينكر الصفات الى اخره فالانسان يحذر قال الزمخشري وهذا أمر معقول فإن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان انظر ça c'est à l'époque الزمخشري il est mort il y a des siècles ils n'avaient pas de انحراف في هذا ils avaient l'انحراف في ماذا هم في الصفات à cause de la raison إلى آخره لكن الكافر pour eux c'est un كافر الآن tu trouves واحد il aime l'islam il aime السنة لكن à cause de هذا الحرب Et à cause de tout ce système, l'an, c'est pas Mu'tazili. Il aime les frères de la Sunna, il aime l'ilm, il aime. Lakin fi hadhihi an-nuqta, dans ce point, il y a un dhaf kabir jidda. Limadha li anna, on vit à une époque, anna al-muslimin khalatul kuffar. Imma directement, et beaucoup de muslimins, ils vivent fi bilal kuffar, et ils ont été touchés. Imma indirectement, avec les médias, avec Internet, avec les films, avec le sport, avec ilakhir. Vous avez remarqué que le modèle, c'est l'Occident. Dans tout, dans le sport, dans les films, dans le mode de vie, dans la technologie, c'est le modèle. Un sunni, celui qui a l'ilm, il va profiter des choses utiles. Maintenant, la technologie, ils inventent un téléphone, ils fabriquent un ordinateur, ils fabriquent des vêtements... Alhamdulillah, qui sont halal, on en profite, on a le droit. Et les choses haram, ils rejettent. Al-Jahil, il n'a pas ce discernement. Roua, pour lui, il va profiter d'un téléphone, ou là, il va profiter d'un mode de vie, d'une croyance, il ne fait plus la différence. Et c'est pour ça que nous, on doit multiplier les efforts. Vous avez remarqué que Ad-Da'wa bi hadha al-bab ila da'if. On parle d'Ahl al-Sunnah. Ahl al-Sunnah, on devrait encore faire plus d'efforts. Amma al-munharifun, comme on a expliqué au début du livre, fa abadan, tu entendras une kalima fil wala wal bara. C'est une ligne rouge à ne pas dépasser. Le kafri, t'entends parler de hadha, khalas. Khasatan si da'i, il est connu, khasatan si il vit chez eux, ils vont le harab. L'imam al-Yanoum, ils savent que c'est ça. La différence entre nous et eux, elle est huna. Elle est huna. Et c'est pour ça que nous doit multiplier les efforts. Lire, enseigner, propager matalan cette risala ou d'autres. Ou d'autres, hatta, inshallah, au moins il y a de la muqawama, il y a du rad ala haoula, hum yahjumoun, et nous on repousse. Et Allah subhanahu wa ta'ala yaf'al ma yasha. Ou pas une petite kalima et yastavid minha kathir min al-nas. Enfin, ne pas minimiser hada. Et c'est pour ça que ba'dhum sinin, et ils sont dans la langue arabe. Et ils sont venus là le kufr. Sinin. La langue arabe, le haqiqa, c'est très très important. Tu lui donnes son haq et il ne faut pas oublier les autres matières. Khassatan hadi. Khassatan hadi. Et fi al-risalat al-nafi'a al-usul al-thalatha, ce point il est cité. Wa taqaddam ma'ana. Lakin bi-ikhtisar. Lakin kathir min al-ikhwan wallahi alhamd istafadu. Avec l'usul al-thalatha, sans parler des autres livres. L'usul salat, ce point, il est cité. Il est cité, bi-ikhtisar, al-wala wal-bara, aimer pour Allah, détester pour Allah, aimer le muhidin, détester le mushriki. Avec cette risala qui a été résumée, wallah, alhamd, beaucoup de frères l'ont étudié, enseigné, il y a eu un khir azim via hadha al-bab. Lakin, il faut encore plus. Amma, des années en langue arabe. Thumma, al-insan, ayyadun billah, il a encore ses afkar. Il a encore ses afkar et il ressemble encore au kuffar, il a akhir. Ça montre un khalal via hadha al-bab. Ce point, on doit insister beaucoup. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par hadha. Différencier entre le mu'minin et le mu'ahidin. Et ils ont quitté Mecca pour se différencier d'eux. Thumma alhamdulillah, jahaduhum, ils ont eu le dessus. C'est ça notre dit. Amma se mélanger avec eux, il a akhiré et ne pas connaître ce point essentiel. Enfin, c'est khatir jiddan. Wa laqad ahsana al-allamah ibn al-qayyim. On revient à la parole de Az-Zamakhshari. Wa hadha amrun ma'qul fa inna muwalat al-wali wa muwalat aduwwihi mutanafiyan sahih. So kalam limadha al-Sheikh Hamoudillah cite l'imam li'annahu il est mukhtasar et il est sahih. Anna prendre comme allié al-mu'minin et prendre comme allié leur ennemi, ça se contredit. C'est pas possible. C'est pour ça que celui qui aime le mu'minin, il va les prendre comme alliés. Il ne peut pas prendre comme alliés le kuffar. Tu ne peux pas aimer l'islam et aimer le kuffar. Aider les musulmans, aider les kuffar. Vouloir que les musulmans ils ont le dessus et les kuffar. C'est impossible, ça se contredit. Falihada qala. Il a cité la parole de l'imam al-Qayyim. Qala wa laqad ahsana al-allamah ibn al-Qayyim rahimahullah. Haythu fi. Naam, kana wa imam kamu haythu qal. Vous avez madha? Vous avez haythu fi? حيث في الكافية الشافية يقول الكافية الشافية معروفة بالنونية c'est la poésie de l'imam al-Qayyim rahimahullah في الفرقة الناجية il l'appelle النونية لماذا لأن chaque vers ça se termine par la lettre نون وإلا فصون نون c'est الكافية الشافية يقول رحمه الله أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان أبيات جميلة أتحب أعداء الحبيب وتدعي Est-ce que tu aimes les ennemis الحبيب هنا c'est الرسول عليه الصلاة والسلام Est-ce que tu aimes les ennemis du prophète عليه الصلاة والسلام وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني Et tu prétends aimer le رسول Tu aimes les ennemis du prophète Aïssa al-Salam et tu prétends aimer le prophète Aïssa al-Salam, c'est pas possible. C'est pour ça que c'est grave, les ulama ils insistent. Le fait d'aimer les ennemis de l'islam, le fait que ce soit un acteur, un chanteur, un sportif, c'est très très grave. Celui qui aime le Rasoul Aïssa al-Salam et qui connaît son dîn, comment tu vas aimer Wahid? Ayyadun billah, l'aimer l'imam parce qu'il fait tel sport ou là il chante. Na'oudou billah. Et si c'est un ennemi de Rasoul Aïssa al-Salam, si. الحقيقة الإنسان يكون يسون دين يبقى سيبا بوسيب هذا تلوفوا وهذا الناس الزام Ben, tout le monde aime son enfant, tout le monde aime ses parents. Il a... enfin, si il apprend que quelqu'un n'aime pas son enfant, yubrido. Est-ce que vous avez déjà vu un parent qui garde contact avec quelqu'un qui déteste son fils? Abadan. Abadan. Au pire, il va essayer de conseiller, de voir. Illa, s'il n'accepte pas, il va le délaisser. Il déteste Habib, son enfant. Amma huna al-Habib al-Mustafa alayhi salatu salam. Afdal al-Bashar. On est obligé de l'aimer plus que nous-mêmes, plus que nos enfants, plus que tout le monde, plus que tous les êtres humains. Si tel chanteur, tel sportif, min al-kuffar, il a chacun d'entre eux déteste l'islam, donc ça implique qu'il ne croit pas. Il a regardé pourquoi, pourquoi lui donner de la valeur? Celui qui lui donne de la valeur, il a un problème dans son dîn. Qala shaykhul islam wa kada tu'adi jahidan ahbabahu ayna al-mahabbati ya akha ash-shaytani. وكذا تعادي جاهدا احبابه هو احباب النبي صلى الله عليه وسلم لان البعض صحيح يكومبات لي سويفور دو بروفيت عيسى صلى الله عليه وسلم يكريتيك با ديريكتومون البروفيت عيسى صلى الله عليه وسلم لكن pourquoi tu détestes tel frère, pourquoi tu critiques tel frère? بعض الناس si tu lui demandes il le connaît pas, il lui a jamais parlé, il l'aime pas فقط لان il a l'apparence de sunna. والله il aurait pas l'apparence de sunna, il le détesterait pas. هذا كذلك هذا كذلك il a un grave problème. وكذا تعادي جاهدا احبابه أين المحبة يا أخ الشيطان؟ أي أين المحبة التي تزعم؟ أي ست محبة كتب خطان إمي الله إمي سو ميساجي يا أخ الشيطان أو أخ الشيطان أو يا أخ الشيطان. ابن القيم رحمه الله إلى أبلي هذا الإنسان كي على هذه المبادئ عياذا بالله أخ الشيطان أي لفخير دو الشيطان. لأن سي الشيطان كي دتس المؤمنين, سي الشيطان كي سمك دي مؤمنين. وقال يزيد بن الحكم الثقفي رحمه الله تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس الفعل منك مستوي. هذا كذلك بيت جميل. تود عدوي أي تؤم منمي ثم تزعم أنني صديقك. تؤم منمي après tu prétends être mon ami. Ça montre que ça se rassemble pas. Si tu m'aimes vraiment tu dois détester mes ennemis. Nos ennemis, c'est qui? C'est les juifs, les chrétiens, et ça, il y a le kuffar ou le mujrimi. Si tu es vraiment mon ami et tu m'aimes, tu dois détester mes ennemis. L'amitié, elle est basée sur quoi? C'est pour ça que beaucoup des amitiés, beaucoup des liens, ils sont basés sur autre que le dîn. Tu sais que les muslims, ils ont des amis et des kuffars. On ne parle pas d'avoir des relations, comme on l'a dit, au travail, un voisin, ce n'est pas un ami, tu le détestes, mais là, Al-mu'amala, tant que ça ne pose pas un haram, là-bas, c'est que c'est permis, comme Ataqadda. Là, on parle vraiment un ami. Il l'invite chez lui, il mange avec lui, il sort avec lui, s'il lui arrive quelque chose, il est triste. Comme un ami, ton frère musulman. Là, c'est grave. Un ami, alors qu'il ne croit pas en Allah, subhanahu wa ta'ala, alors qu'il ne croit pas au prophète, il ne croit pas au Coran, il fait jami' al-masa'ib wal-kufr ila akhiri, et anta, tu le prends comme ami. Wallahi anna hadha ash-shakhs law amma ilidi sur un de tes enfants ou tes parents, même si c'est haq, probablement tu vas le détester. On dit pas il ment, même si c'est haq. Cet ami kafir, il lui dit lakin ta femme ou ton père il a fait kada et moi je j'aime pas, et il commence à parler bihaq, c'est vraiment une chose. Wallahi il va le rejeter directement. Pourquoi tu parles sur ma femme, pourquoi tu parles sur mon père? Yat'an billah rabbama wa yat'an fi ar-rasul. Même si là il attend directement, le fait qu'il ne croit pas, c'est très très grave. Obama, il est d'accord avec ceux qui se moquent, il faut être tolérant. Chaîne al-kuffar. Un kafir, c'est un kafir, on n'a pas besoin de tout détailler. Haqiqa, un musulman, il ne peut pas le prendre comme ami. Abadan. Abadan. Même si le mu'amala, ahyanan, tu sens c'est lourd. Tu dois patienter, ahyanan, t'as pas le choix, obligé d'avoir des relations dans certaines choses. Pour certains. Wa qala ghayruhu. تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب. قال في الحاشية النوك بضم النون وفتحها وهو الحمق. نعم ليس النوك عنك بعازب. نعم صص من الحماقة, صص من الحماقة. انظروا هذا الشاعر إلى démontrer si tu m'aimes vraiment parce que je suis ton frère musulman et tu aimes mon ennemi أي un kafir, فهذا من الحماقة. À l'époque des salafs, c'était impossible. C'était de la folie. Nos jours, si tu dis l'inverse, et qu'il faut détester les kuffars et la akhira, wallahi, dans certains endroits, ils te traitent et ils te prennent comme fou. alors que tu es à la madhab al-salaf, alors que tu suis le Coran ou le Sunnah. C'était des choses claires à l'époque. Lakin, ce zaman nous convient, yadam billah, كثير من الأشياء تغيرت. ثم قال تبارك وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقى. قال البغوي رحمه الله. هذا الترتيب الطيب. Après avoir cité des ayats في تولي الكفار, on arrivait à la, نعم, la septième, الآية السابعة. ثم هنا il a cité un point important. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسير معنى الآية أن الله تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكفار. Ça on est tous d'accord, c'est بالإجماع, c'est un fondement de notre dîn. On n'a pas le droit de prendre les kuffars comme alliés, c'est-à-dire les secourir, les aimer, les rapprocher, il est akhir. ومداهنتهم ومباطنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين. Il y a une exception, كما قال عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقى. Si un musulman il est fait halal dhaif, imma il vit avec eux, imma il est dans un endroit, le kuffar tamakkanu, il a peur pour son neuf, alors s'il montre clairement qu'il les déteste, il a agré, et ils peuvent lui faire du mal, fa fi hadha al hal min bab at taqiyya, il va faire apparaître une chose que en haqiqa il ne pense pas. Robama kalam tayyib, robama il va dire certaines choses, mais ils vont comprendre qu'il les déteste pas. Fi hadha al hal c'est permis. Lakin bi quyud, لأن بعض الناس يلعبون بهذا. Faut vraiment être menacé, faut vraiment être في حالة خطيرة. Dans ce cas, l'insan, s'il se sent menacé, on peut lui faire du mal, فمعروف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ouvrir ce bab, l'insan, مثلا, il a besoin d'un travail et il fait des concessions sur son dîn, عياذا بالله, ويطعن في المسلمين, et il cite ce verset. Ça, c'est pas من الفقه في شيء. لماذا؟ لأن si tu trouves pas de travail dans cette entreprise, tu trouveras dans une autre. بهذا. قال إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين أن يكون أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. Ça c'est le premier قيد. أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Ça c'est le premier قيد. Même s'il fait apparaître qu'il les déteste pas, il a agréé, lakin au fond de lui, الحمد لله لعقيدة الأئمة عقيدة أهل السنة أنه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله الآخر فإن لدتست في الله عز وجل. قال دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما يرحمك الله أو مالا حراما أو يظهر الكفار على عورة المسلمين. كذلك سأصنع قيد important أنه في هذا الحال يقال وضفق جمال مسلم. Et pour satisfaire les kuffars, il a peur d'eux, ils lui disent maintenant tu tues un tel. Hada la yajouz. Fait hada al-hal, il patiente, et même s'ils lui font du mal, il n'a pas le droit de, pour se préserver, de faire du mal à un autre. Hada la yajouz. Kadhalik, ou yudhir al-kuffar ala awrat al-muslim. Kadhalik, annahu, il ne patiente pas, et il divulgue des choses par rapport aux muslimines, et ça peut faire beaucoup de mal à beaucoup de muslimines. Fait hada al-hal, il patiente. Et il se tait. Il yasbir. Et s'ils lui font du mal, fait yahtasib. قال والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل والسلامة النية. إلى résumé la مسألة هنا رحمة الله عليه كلام الإمام البغوي. إلى تفسير جميل جدا. إلى مختصر. إلى très simple. إلى résumé. فقال والتقية. التقية c'est le fait de faire apparaître une chose et في الحقيقة dans son cœur c'est l'inverse. فالتقية لا تكون إلا مع خوف القتل. Yajouz, si tu as peur, maintenant tu te fais menacer par des koufars et ils te disent là, tu ne dois pas dire que tu détestes les koufars et un temps tu dis là, je ne vous déteste pas. Hada c'est une taqi alors que tu les détestes. Hada yajouz, ma khouf al qatl. Ça montre, ce n'est pas dans toutes les situations. Là, s'il y a vraiment une menace et tu peux te faire tuer, hada al-hal, yajouz, wa salamatun niyya. Hada est le cœur, comme qala, qala Allah ta'ala, illa man ukriha. وقلبه مطمئن بالإيمان ثم هذه رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم. تصن فائدة عظيمة أن هذه رخصة. Ça veut dire quoi une rukhsa? Ça veut dire c'est une facilité, t'as le droit. Et celui qui patiente et ربما ses ennemis de l'islam lui font du mal حتى il le tue, فبإذن الله عز وجل لنا أجر عظيم جدا. وبعض العلماء ينبهون هنا أن سيسان إنسان مثل عالم من العلماء. Et la Ummah elle profite beaucoup de lui. Il a du ilm. Et il peut encore faire beaucoup de choses pour la Ummah. وبعض العلماء يقولون الأفضل سك ils leur disent ce qu'ils veulent entendre et قلبهم مطمئن بالإيمان. أما si c'est un عامي من المسلمين في الحقيقة لا أمة لا pas besoin de lui dans un domaine spécifique et il patiente et il meurt في هذا الحال il aura un أجر عظيم. قال وروى أبو نعيم في الحلية عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قيل له ما التقى؟ قال أن يخاف جبارا عنيدا أن يفرط عليه أو أن يطغى. هذا سي أن إكزامبل جبارا عنيدا كي فولو فيغ دو مال إي في هذا الحال يدي أون شوز كي نو بونس با. وقال ابن القيم رحمه الله معلوم أن التقاة ليست بموالاة ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال إلا إذا خاف من شرهم فأباح لهم التقية وليست التقية موالاة لهم. هذه الفائدة عظيمة. Si on est autorisé dans certains cas, si on a peur pour notre nefs de montrer qu'on les déteste pas, il a akhri min bab التقية comme on vient de dire, ça montre quoi هذا؟ فالحقيقة ça montre que si tu es en sécurité et tu n'as pas peur pour ton nefs, tu dois montrer que tu les détestes. Tu dois montrer avec ta parole, avec tes membres, tu dois montrer que tu les détestes. Maintenant, en t'éloignant d'eux, tu les côtoies pas, tu changes de pays, tu montres que c'est des kafaras, tu mets en garde contre leur coffre, tu montres qu'il faut les détester. Hada, c'est matloub. Si l'insan a peur pour son œuf, hada l'hal, il est excusé. Et de ne pas montrer. Hada l'hal, il a le droit de faire montrer l'inverse. Hada kalam ibn al-Qayyim, rahimahullah. Wa qawluhu wa yuhadhirukum Allahu nafsah. أي يخوفكم الله عقوبته على موالاة أعدائه وارتكاب نهيه ومخالفة أمره. قال أبو جعفر بن جرير يعني ذلك متى سرتم إليه وقد خالفتم ما أمركم به وتيتم ما نهاكم عنه من اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين نالكم من عقاب ربكم ما لا قبل لكم به يقول فاتقوه واحذروه أن ينالكم ذلك منه فإنه شديد العقاب ويحذركم الله نفسه. Ça c'est un khitab li jami' al-mu'minin. Ay ihdhar. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a mis en garde. Ihdhar min hadha al-dhanb al-'azim. Ay le fait de donner de l'importance aux ennemis d'Allah. Le fait de s'allier aux ennemis d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il les a rabaissés. Il les déteste. Il leur a préparé le nar pour ceux qui meurent à l'al-kufr. Anta n'élève pas ce qu'Allah il a rabaissé. Ne prends pas comme allié les ennemis d'Allah. Ne te contredis pas. L'an al-iman. Et ça c'est une faïda azima min hadhi al-durus. An al-iman c'est pas qu'une prétention. الإيمان له لوازم عظيمة. الإيمان سوف impliquer une chose عظيمة. D'aimer ce qu'on a même foi que toi, délaisser ce qui contredisent ta foi. C'est ça l'Iman. أما celui qui croit et il aime ceux qui détestent sa croyance, sa croyance elle n'est pas bonne. C'est pour ça que dans le prochain verset, dans le prochain tars, il a cité قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله. Tu ne trouveras pas un mu'min qui aime les ennemis d'Allah. لماذا لأن أساس كونتردي هذا والله تعالى أعلم. لو بروشان درس إن شاء الله نلقى الآية الثامنة ونا بيانتو فيني الآيات وابخي بستي دي أحاديث مفيدة في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.